On va parler d'NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, avant de revenir sur les résultats de la NBA, ce qui se passe dans la NBA, j'ai écouté le podcast de RDS sur avec Alexandre Tourigny puis son autre, puis il avait été à New York sur Times Square, puis il disait qu'il avait été dans un magasin de basketball, puis il avait fait le saut. Une paire d'espadrilles d'un joueur de basket, ça peut monter jusqu'à 20-25 000. Ben, ça dépend c'est qui. C'est des souliers que Jordan a mis dans le match numéro Ouais. 6 en 93. Non, non, mais c'est. Il y avait à dire pour une paire normale d'espadrilles, ça peut monter jusqu'à 25 000 piastres, Je serais pas surpris. Des affaires de collection, mettons les Jordan qui datent de je sais pas quelle année, puis des LeBron ou des Kobe. C'est peut-être là. des Kobe qui ont vu, t'sais. Flambant neuf. Tu sais, Daniel en a parlé lorsque l'incident, la tragédie est arrivée. Nike avait décidé de ne pas mettre sur les tablettes les derniers Kobe, justement pour que les gens les achètent pour essayer de les revendre Non, mais trente, j'avais pris ça avant que l'incident arrive, fait que c'est oui, pas. non, mais je suis pas surpris parce que il y a beaucoup de compagnies qui font, c'est un peu comme des souliers de collection, tu sais, Ouais, OK. Puis des tu sais, souliers de 7 en pieds, ça doit réalité, pas. Pour des gars de 7 si pieds, ça doit être long. Ça doit être dur à trouver aussi, là. Oui, mais ça, c'est plus, je sais pas comment, je sais pas c'est quoi le mot français, mais custom-made, là, comme Ouais. fait sur mesure. Ça existe. Les compagnies vont en faire, là, parce qu'il y a quand même certains joueurs qui portent des 17, 18, 19, 20. Là. Mais en général, ça doit être quelque chose de spécial, en toute honnêteté, là, mais les possibilités. Moi j'ai déjà vu un iPhone à Dubaï. Qui était, je pense, 100 000 $. Tu sais, il y avait des diamants. Tu comprends? Bon, comment t'as trouvé la suite des choses? La suite, on s'est parlé le lendemain de la tragédie. Comment t'as trouvé Ouais. ce qui s'est passé? Mais écoute, on a vu, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a au-dessus de 1 400 ballons qui ont été déposés devant le Staples Center. On a vu beaucoup, beaucoup de gens honorer Kobe Bryant, réaliser tout ce qu'il a fait dans sa jeune vie. Dans une carrière qui a duré 20 ans, la moitié de sa vie, c'était un joueur des Los Angeles Lakers. Je pense qu'on s'est rendu compte, je pense qu'il est devenu très populaire dans les 3 dernières années parce que c'était quelqu'un qu'on connaissait pas Kobe, la personne. On connaissait Kobe, le compétiteur. On connaissait Kobe, le coéquipier difficile parce que si t'avais pas le même niveau d'intensité que lui, il t'aimait pas. Puis probablement, il y a certains joueurs qui ont pas aimé jouer avec Kobe parce qu'il n'y avait pas cette intensité-là. Il n'y avait pas cet effort-là qu'il donnait à chaque pratique. Mais on a vu un Kobe qui s'est pratiqué à écrire. Il disait dans une entrevue, j'ai vu il n'y a pas longtemps, que ça faisait à peu près 15 ans qu'il écrivait dans l'avion, tout ça, puis il se préparait à son après-carrière. Puis je pense que son après-carrière a démontré beaucoup de choses, que c'était quelqu'un de généreux. On a vu l'importance qu'il a donnée au basketball féminin, à sa fille Gigi qui commençait à jouer au basketball à 13 ans. Son implication dans la WNBA, tu sais. On a vu quelqu'un aussi qui est un mentor. Cet été, il a fait un camp, Mamba Academy. Il y avait plein de joueurs NBA qui étaient là, des stars, le Kyrie Irving était là, tu sais. Paul George puis Kawhi Leonard ont même passé une journée pour apprendre de Kobe, tu sais. Fait que tu vois quelqu'un qui était complètement différent du joueur, qui était très, peut-être, je dirais pas selfish, mais il voulait tellement gagner que ça prenait tout. Une personnalité vraiment généreuse, il a gagné un Oscar, on en a parlé, tu sais. Fait que son après-carrière et une fin brutale, tragique comme ça, mais on re-questionne plein de choses, tu veux dire. Puis souvent, des gens comme des célébrités, quand il arrive quelque chose de tragique, Danny, ça, il passe encore plus dans la légende. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Au lieu que je te donne un exemple, si Michael, tu sais, Bill Russell, il est encore en vie, on le respecte, il y a un trophée à son nom, on respecte ce qu'il a fait. Puis tu sais, mais c'est pas un dieu, tu comprends-tu? C'est comme quand tu meurs jeune, on dirait que tu deviens un dieu. Que des Puis fais c'est la attention manière là, que c'est mais arrivé aussi de façon tragique, là. exact. J'ai jamais. En tout cas, C'est très tragique. Très tragique. t'aurais-tu vu ça? Il y a eu 2 millions de signatures pour remplacer le logo d'NBA de Jerry West par Kobe Bryant. Mais je Moi, je trouve pense que que ça c'était existe. juste pour la saison. C'était juste pour la saison. Ok, c'était juste pour la saison. Ouais. Moi, ce que j'avais lu, c'est que les gens voulaient remplacer le logo juste pour la saison, pour honorer Kobe. Tu sais, mais ça, t'as les fans des Lakers. Tu sais, comme en Europe, les clubs, le Real Madrid, je pense qu'ils ont leur propre cimetière, Danny. Tu sais, on a Laker Nation, c'est partout sur la planète. Tu veux dire? Fait que t'en as qui, c'est vraiment, là, c'est comme une partie de ta famille qui est partie, tu sais, puis, mais j'ai aimé ce que j'ai vu partout dans la NBA, que ce soit Mark Cuban qui va retirer son chandail, que ce soit l'honneur. Moi, je peux te dire que le match collégial que j'ai fait avec Édouard Monpetit à Vanier, on a OK. fait le 24 secondes, on a fait le Oh, 8 comme secondes, on tu l'a vu sais. à TV, là, autrement dit, là. J'ai vu plein d'équipes faire ça ici au Québec, tu sais, puis je suis certain que ça s'est fait partout sur la planète. Fait que, Ouais. non, non, c'est fou. Honnêtement, je crois pas encore. Tu sais, c'est dur à croire OK. que ce qui est arrivé. Il n'y a pas de funérailles à l'heure actuelle, hein, il va-t-il y avoir des funérailles? C'est sûr. Ouais, mais là, on C'est sûr. n'entend pas parler de rien, ça arrive à 2 semaines, Ouais, mais t'sais. en toute honnêteté, est-ce qu'ils vont faire quelque chose après la saison? Est-ce qu'ils vont faire Ouais. quelque chose? Je le sais pas, Danny. C'est vraiment, d'après moi, je pense que vu que c'était tragique comme ça, je pense qu'on veut peut-être prendre le temps là, du côté de sa famille de penser justement à qu'est-ce qui va se passer, puis après ça, prendre une décision, puis d'aller de l'avant. Mais je suis certain que, tu sais, Kobe, quand tu es une figure publique comme ça, il y a des décisions qui vont être prises aussi at large. Tu comprends-tu? Ouais. Je sais qu'il y a plein de joueurs probablement qui vont vouloir être là. Est-ce que tu fais ça la semaine prochaine ou tu fais ça au mois de juin Ouais. après? Et puis, je sais pas. OK. Honnêtement, Puis la je... femme, elle semble-t-il qu'elle est dévastée encore. Puis c'est normal, là. Ah, ben, c'est Écoute, sûr. C'est tout à fait normal. c'est incroyable. C'est incroyable, là. Fait que. Bon, date limite des échanges aujourd'hui dans la NBA. Écoute, Aujourd'hui, 3 heures. Ouais. Des transactions. Écoute, il y a une transaction impliquant 12 joueurs, 4 équipes. Puis je suis. C'est la première fois que je vois ça. T'as-tu vu ça, toi? Ouais, Peu on a importe eu. le Bon, sport. ça, c'est parce qu'en général, depuis une couple d'années, c'est tranquille, on dirait. Ouais, Hein? ouais, Au hockey, au basket, c'est ouais. tranquille. Et c'est pas des vedettes. Je pense Non, c'est pas les vedettes, par exemple. Ouais. on en parle. C'est Clint Capella, je pense que c'était un bon joueur pour les Rockets, mais les équipes qui sont comme où on est. Les Rockets, ils cherchent encore leur identité. On était chercher Covington, qui est un excellent de la 3 points, puis c'est le style que les Rockets y font. Je pense que la plus grosse transaction qu'il y a eu, C'est Andrew, c'est Andre Iguodala. ouais, Andrew Goodella qui est parti avec les Heat de Miami, là. Partie de l'île de Miami, des Heat qui connaissent une saison phénoménale, qui pourraient vraiment se rendre en finale de l'Est en ce moment, là. On a vu qu'il y a une blessure à Jimmy Butler, mais fait qu'Andre Iguodala, il a accepté d'être échangé à Miami. On l'a échangé pour Winston Justice Winslow. Ouais. Et il a tout de suite accepté une extension de 2 ans à 30 millions. Mais ce qui est intéressant, Danny, c'est que les Lakers voulaient Iguodala. OK. C'était le joueur Moi, je que savais ses qu'il y avait équipes. des rumeurs, ouais. Et moi, mon feeling, c'était que Memphis, qui va probablement faire les séries, qui s'est rendu la nouvelle ère avec une équipe jeune. Ils se sont dit non, c'est pas vrai qu'on va garder Iguodala dans l'Ouest, on va l'envoyer dans l'Est. OK. On le reverra en finale. Ben non, c'est sûr. C'est sûr. Fait que pour moi, c'est le plus gros nom au niveau d'échange qu'il y a eu. Il y a quelques semaines, on a vu Jordan Clarkson, qui est un excellent joueur des Cavaliers, se rendre à Utah. Ouais. Fait que ça va définitivement aider Utah en ce moment. Et là, en ce moment, il est pour parler. Qu'est-ce qui se passe? On sait que les Lakers cherchent un point guard. On sait que les Lakers parlent avec Oklahoma. OKC pour Dennis Schroeder. OK. Il y a Clint Capella également qui pourrait partir. Donc, Clint Capella, c'est déjà fait. Ouais, qui c'est beau. Oh, il fait partie des 12, si je ne me trompe pas, là, OK, que tu as mentionné plus tôt. Là. OK. Ouais, Mais moi, je te parle plus de rumeurs d'ici OK. 3 heures. Qu'est-ce qui va Ouais. se passer? Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec Derrick Rose puis Andre Drummond? C'est à Ben, ça, suivre, les Andre Drummond. Pistons de Détroit. Les Exact. Raptors, un joueur de profondeur, quoi, qui pourrait Ah, ça va être dur. Moi, je pense que. Tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, Pascal, est-ce que t'échangerais, mettons, je sais pas moi. Serge Ibaka? Ouais, tu sais. Écoute, avec le match qu'il y a eu l'autre fois, 30 points Ouais. avec le 3 points pour aller. Moi, je pense que l'équipe est parfaite en ce moment, honnêtement, Danny. Là. Pourquoi tu vas Moi, je trouve changer? qu'il pique trop On vite. Cette équipe-là est solide. pique trop vite actuellement, Pascal. Ça m'inquiète. Ça Oh non, m'inquiète. on a eu des hauts puis des bas. On a eu la séquence de blessures de Kyle Lowry, Ouais, mais Ibaka, de 12. Gasol. Fait que, non, non, je pense qu'on a fait jouer des joueurs qui étaient en 7, 8, 9e position. On a des jeunes OG. Tu sais, je pense que à moins d'avoir un offre solide, pour exemple, OG, parce que je pense que c'est le joueur Fred Van Fleet puis Ouais. Adam Fee, sont les deux joueurs, d'après moi, que le téléphone sonne. OK. Est-ce Le que plus. si Norman Powell aurait pas été blessé, est-ce que Norman Powell aurait pu être un joueur intéressant pour Peut-être, une... Ouais. mais il commence à être dans la confiance de Nick Nurse, OK? Mais je pense que les deux joueurs que les équipes, tu sais, honnêtement, je suis certain que les Lakers disaient, on vous envoie Kuzma pour Van Fleet, là. Les Ouais. Lakers veulent vraiment un autre meneur, selon moi. Ils veulent Rondo fait la job, mais ils veulent un meneur. Moi, je serais pas surpris de voir. Moi, dans ma rumeur personnelle, c'est Jrue Holiday aux Lakers, mais ça, on va voir si ça va se passer. OK. Donc, je m'attends pas. Faut pas s'attendre à grand-chose du côté de l'organisation et des Raptors jusqu'à maintenant, là. Faut pas. Moi, je penserais pas. Ouais, Je pense. OK. C'est sûr qu'il y a moyen d'avoir une offre intéressante. Masai Est-ce Ujiri qui, écoute, son nom est encore mentionné. Moi, j'ai l'impression que ça, à un moment donné, ça va arriver, hein. Mais son nom va toujours être mentionné. Ça serait intéressant de voir qu'est-ce que les Raptors vont offrir. Ouais. Ça va être intéressant de voir jusqu'à où ils s'en vont. Tu sais, il y a deux raisons pourquoi tu quittes une organisation. Tu as tout T'as fait ce que tu accompli, avais à faire. t'as tout fait pour, t'as tout Tu as fait tout ce que fait ce que t'avais tu à avais à faire. faire, fait que tu veux un nouveau challenge. Et dans la business, dans la vie d'un directeur général, d'un président, d'un entraîneur, tu dois prendre l'opportunité peut-être de ta vie. Est-ce que les Raptors vont lui donner ça? Quand on sait qu'il y a au moins une dizaine d'organisations dans la NBA, incluant les Lakers. Je ne sais pas s'il l'a fait encore là, parce que Rob Pelinka, le directeur général, a fait, écoute, t'as LeBron puis Anthony Davis, là, Ouais. t'as pas besoin de chercher. Non, C'est comme, disons un exemple, les Knicks, là, pourraient offrir à Masai Ujiri un contrat ridicule, là, 15 millions par année pendant 4 ans, là, tu comprends? non. Puis les Raptors, ils vont pas matcher cet argent-là. Je te OK. donne un exemple. Puis t'es Masai Ujiri. Et toi puis moi, on sait que tu me donnes 1 ou 2 millions, je pense que je vais accepter, là. Mais il est dans une position que lui, il peut accepter le plus possible puis être set le reste de sa vie pour les 4, 5 générations à suivre. Tu Ben comprends? ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, écoute, les Knicks, ça va nulle part. C'est une organisation qui normalement qui Et devrait être beaucoup plus intéressante. Hein? Masai Ujiri est le style de personne que les Knicks ont Ben besoin. oui, ben oui, Et le ben oui. prochain directeur général doit avoir aussi un contrôle où le propriétaire va le laisser faire ses choses et changer cette image-là en ce moment. OK. Lukens Dog, 23 points l'autre fois. C'est surprenant, hein? Ben oui, puis non, Ouais. moi on en a Ouais. déjà parlé. Moi, j'ai toujours eu le feeling qu'il y avait. En tout cas, il y avait toutes les habiletés physiques, athlétiques et défensives pour jouer dans la NBA. Offensivement, il commence à être à l'aise, mais il fait quelque chose que je m'attendais de voir peut-être l'année prochaine. Ouais. T'sais, un match de 20. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que ça va devenir consistent. Tu comprends? Est-ce qu'il peut faire ça régulièrement? Mais c'est vraiment phénoménal. Puis pour je suis vraiment fier. C'est un jeune de Montréal, j'ai eu la chance de Ah ouais. côtoyer. C'est vraiment, honnêtement, c'est à l'honneur de tout ce que les gens font ici au Québec et à Montréal. On est capable de créer des bons joueurs NBA. Puis ils viennent de notre ligue. Il y a quand même des bons joueurs ici qui fait qu'un jeune comme lui qui n'a pas été repêché en plus. Qui s'en va là, puis qui est capable de... Puis c'est une équipe dans les playoffs en ce moment, il ne faut pas se mentir. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment content. Mais on sait que son temps de jeu en ce moment est mérité par rapport à sa défense. OK. Ben, Pascal, un gros, gros merci. On se reparle prochainement. Ça fait plaisir, Danny. À bientôt. Le collaborateur Pascal.